Y a mon cœur qui me souffle, ma raison qui me dit que. Y a mon cœur qui me souffle que t'es le bon, ma raison qui me dit que c'est mal. Y a cette voix qui chuchote que toi et moi on pourrait se déchirer autant qu'on peut s'aimer. Y a un ange qui m'a dit de laisser béton, un autre qui m'a dit de persévérer. La question est, sera-t-il trop tard quand je finirai par savoir lequel était le démon. Y a un truc entre nous qui fait qu'on n'a pas les mots, le genre d'émotion pour lesquelles je trouve pas de nom. Une complicité telle qu'on a même parlé de moi, mais que t'es le premier à qui je peux pas répondre non. Truc de fou je ressens quand t'es présent, moi qui préférais que ça n'arrive qu'aux autres. Je me rends compte combien l'amour peut être grand et combien une rencontre peut changer la pénombre en soleil plein. Ouais, je crois bien que t'es mon soleil, soleil plein, plein, ouais, ouais, soleil plein, celui qui réchauffe l'âme, soleil plein, celui qui révèle femme. Soleil plein, rare est le moment, chaud est le feeling, deuil est le clin. Dur le départ sera suivi d'un gros manque et naîtront des sentiments clandestins. Tard est le frisson, la barre est de rire, début de relation qui dit grand destin. Mon art et ma mission, ma sauvagerie peuvent vexer des gens, j'ai peur qu'elles n'en blessent qu'un. Ouais, ma sauvagerie peut vexer des gens, j'ai peur qu'elle n'en blesse qu'un. Car le soleil peut nuire à la santé, le jeu vaut-il la chandelle. Tellement de temps que je l'attendais, que l'histoire n'en sera que plus belle. Mais à bout de souffle je ne serai plus moi, le soleil brûlera mes ailes. La vie de couple ne réussit pas, à toutes certaines se sentent mieux seules. Le soleil peut nuire à la santé, le jeu vaut-il la chandelle. Tellement de temps que je l'attendais, que l'histoire n'en sera que plus belle. Mais à bout de souffle je ne serai plus moi, le soleil brûlera mes ailes. La vie de couple ne réussit pas, à toutes certaines se sentent mieux seules. Y'en a qui ont été déçus des hommes, mais pas assez pour préférer les femmes. Y'a celles qui ont subi les pires des actes, bien trop pour que j'ai pu garder des larmes. Y'en a qui n'ont jamais rêvé de robe, de mariage, ni de prince, ni de môme. Y'a celles qui ne respectent pas vos codes, mais ne restent pas insensibles au charme. Et y'en a qui luttent pour trouver du réconfort ailleurs que dans les bras de la solitude. Y'a celles qui s'accrochent par amour et celles qui se détachent par habitude. Y'a pas de vie de rêve tant qu'y'a pas la vie dure. Jamais solo tant qu'on parle avec Dieu. Je connais peu d'artistes qui n'ont pas la fissure. Donc désolé j'ai choisi mon art. Ouais, ouais. Désolé j'ai choisi ma clique. Ce n'était peut-être pas notre heure. Je suis peut-être faite pour n'être qu'une artiste. Désolé mais la passion m'a déjà assez abîmé le corps. Si forte est la sensation qu'elle peut me guérir autant que me détruire le cœur. Comme un soleil plein. Ouais, je crois bien que t'es mon soleil plein. Soleil plein, annonçant la sécheresse. Soleil plein, précédant grosse tempête. Le soleil peut nuire à la santé, le jeu valait la chandelle. Tellement de temps que je l'attendais, que l'histoire n'en était que plus belle. Mais à bout de souffle je n'étais plus moi, le soleil a brûlé mes ailes. La vie de couple ne réussit pas, à toutes certaines se sentent mieux seules. Le soleil peut nuire à la santé, le jeu valait la chandelle. Tellement de temps que je l'attendais, que l'histoire n'en était que plus belle. Je n'en retiens que la lumière, tu n'oublieras pas que je t'aime.